Beats Planet. To the Batmobile. Let's go. Ça va, boogie. Ça va, boogie. Et on y va, va. M-A-2-6. M-A-2-6. M-A-2-6. N-A-2-6. Classique, volume, Tchouneg. Meurtrier, Dédé, ta-ta-ta. Dédé, ta-ta-ta-ta-ta. Rêve. J'reviens, les MC sont des débiles. Rapper sans mon flow, ils en seraient, c'était terrible. Les rappeurs s'aiment trop, ils sont hystériques. Mais pourtant je les vois pas dans mon liste autotorique. Qu'ils aillent se faire en écu, ils toucheront jamais le ciel, c'est ciel. J'ai le flow qui brille comme les yeux de CCCM. La putain de leur semelle, sont pas LLLL. Des gros morts, donc pourquoi tu me fais à la belle LLL? J'suis unique comme mon cousin Billy LLL. J'suis partout, j'suis El Falco, LLLL. Ils veulent me retenir, cette son, en une semaine, MN. J'suis sur messagerie, mon flow s'appelle NNN. Sors ta mixtape, que les centres me craignent les miennes. Mon flow sorti nulle part, donc ils sont miennes. Comme toujours, levez vos bras en LLLR. J'ai fumé son gamin, nananananer. T'es servi, j'reviens, attends ton pire. Les meilleurs crèveront direct en martyr. Et t'entends l'as par-ci, et t'entends l'as par-là. Mais la vérité, je suis partout, eux ne sont pas là. La vérité, rien qu'ils veulent ma peau. Ils parlent de chiffres, mais faut les choses.